336 activation, dictation. Listen and complete the text below. It is an exchange between Mireille and her little sister, Marie-Laure, who has built a telephone out of two tin cans and a piece of string. You will hear the passage twice. Mais qu'est-ce que tu vas encore inventer? Un téléphone, tiens, essaye. Allô? Bonjour. Ça va? Ça va bien et vous? Il est pas mal, hein? Oui, il est bien. Mais qu'est-ce que tu vas encore inventer? Un téléphone, tiens, essaye. Allô? Bonjour. Ça va? Ça va bien et vous? Il est pas mal, hein? Ouais, il est bien.